Activité 18. 1. Le chanteur Kenji Girac est à Toulouse pour un grand concert. Aujourd'hui, vendredi 22 avril, Kenji Girac est avec nous. Son concert est à 20h, ce soir, dans la salle Gainsbourg. 2. Le cinéma Terre In présente le nouveau film de Luc Besson avec la présence des acteurs. C'est ce soir. Vous pouvez acheter les billets sur le site internet du cinéma. 3. La poste est fermée. Vous ne pouvez plus envoyer de colis pendant les vacances. Mais la boîte aux lettres est toujours disponible. Vous pouvez donc envoyer vos lettres pendant les vacances.